إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، اعلموا أن احترام الوالدين مهم جدا، مهم غاية الاهتمام. أولا، لأن ذلك طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الصحيحين عن أبي مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله ثم بر الوالدين. الحديث وغيرها من الآيات والأحاديث المتواترة في هذا الموضوع. ثانيا، إن طاعة الوالدين يا عباد الله واحترامهما سبب لدخول الجنة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. ثالثا يا عباد الله، أن احترامهما، أي احترام الوالدين، أن احترامهما وطاعتهما سبب للألفة والمحبة. رابعا، أن احترامهما وطاعتهما شكر لهما، لأنهما سبب وجودك في هذه الدنيا، وأيضا شكر لهما على تربيتك ورعايتك في صغرك. يقول الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. خامسا يا عباد الله، أن بر الولد لوالديه سبب لأن يبره أولاده. يقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والله عز وجل أعلى وأعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. سفي عباد الله، كل respect envers les parents est une chose extrêmement importante dans notre religion qu'est l'islam. Et ceci, ya ibadallah, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en respectant ses parents, eh bien nous obéissons à Allah Azza wa Jal, et nous obéissons également à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: et nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses pères et mères. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également: et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ou ne leur dis pas fille. et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde pour eux, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, sois humble avec tes parents, et dis au Seigneur, invoque Allah Azza wa Jal, et dis-lui au Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné sur la meilleure des œuvres. Alors il a répondu en disant, la meilleure des œuvres, c'est avoir foi en Allah Azza wa Jal et en son messager, c'est-à-dire croire en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam, puis être bienfaisant envers ses parents. Et les textes religieux qui prouvent que le respect des parents est primordial dans notre religion sont très nombreux, que ce soit dans le Coran ou que ce soit également dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Également, ce qui montre que le respect envers les parents est une chose importante dans la religion, ou une des raisons qui fait que le fait de respecter ses parents dans la religion est extrêmement important, c'est que le fait d'obéir à ses parents et à Ibad Allah, et le fait de les respecter, est une cause pour entrer au paradis. Comme cela est rapporté dans l'ouvrage authentique de l'imam muslim, rahmatullahi alayhi, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il soit avili, c'est-à-dire qu'il soit rabaissé, qu'il soit avili, et il dit ça trois fois. Alors les compagnons, radiyallahu anhu, m'ont demandé, qui est au messager d'Allah? Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre, celui qui aura vécu avec ses parents, ou avec l'un d'entre eux, durant leur vieillesse, puis il n'entre pas au paradis. Puis, n'entre pas au paradis, c'est-à-dire en étant ingrat avec les deux ou avec un des deux, et ceci est une cause d'entrer en enfer et de ne pas rentrer au paradis. Alors que le fait d'être bienfaisant, respectueux et obéissant envers tes parents, c'est une cause qui fait rentrer au paradis. Également, respecter ses parents et à Ibad Allah et leur obéir est une cause qui ramène entre vous, entre tes parents et toi, de l'amour, de l'affection, de la compassion. Et également, le fait de respecter et d'obéir à tes parents et à Abdallah est une force, une forme de remerciement envers eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont la cause de ton existence dans cette vie d'ici-bas. Et c'est une forme également de remerciement envers eux pour t'avoir éduqué alors que tu étais petit, pour avoir enduré à cause de toi énormément de désagréments. Ta mère a veillé toute la nuit ou durant des nuits pour veiller sur toi. Et pour que tu dormes toi, et pour t'allaiter, etc. Et ton père, eh bien, rencontrait toutes sortes de difficultés pour amener ta subsistance à la maison, alors que tu étais petit. Et le fait de les respecter et de leur obéir, eh bien, c'est une forme de remerciement envers eux. Et Allah Azza wa Jalla nous le dit dans le Coran. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit, sois reconnaissant envers moi, envers Allah Azza wa Jalla en premier lieu, ainsi qu'envers tes parents. Et c'est vers moi qu'est la destination. Et également, ya Ibad Allah, être bienfaisant envers tes parents sera une cause que tes enfants à toi seront bienfaisants envers toi. Et Allah Azza wa Jal nous dit, y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? C'est-à-dire que si tu fais le bien avec tes parents, eh bien tes enfants feront le bien avec toi. Et comme tu as fait, eh bien on te fera. Et Allah Azza wa Jal est bien plus savant. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. أزكى البرية أجمعين ورسول رب العالمين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا شابا إلا أصلحته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا قبلته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.